Mort de Julia, par Monsieur de la Roire, extrait d'un voyage en Orient, édition de Bécourt, Paris, 1836, page 142. Ici je devrais m'arrêter, je devrais jeter un voile sur des douleurs autrement amères que les miennes, mais aucun voile ne peut les couvrir, il est des cœurs qui les nourriront toute leur vie et qui n'en seront jamais rassasiés. Cette vie que Madame de Lamartine venait de me conserver, cette vie dont après Dieu je lui suis redevable, eh bien, moi, je n'ai pas pu faire pour quelqu'un qui lui fût plus cher qu'elle-même, ce qu'elle a fait pour moi. Julia, cette fille qui était l'occupation de tous ces moments, en qui elle avait mis toutes ses espérances, son seul lien du passé avec l'avenir, cette fille, admirée de tous ceux qui la voyaient par son esprit et ses grâces, tomba malade, quand à peine j'avais fait ma première sortie. Un catarrhe spasmodique l'étreignit vivement. Les deux premiers accès, quoique forts, laissèrent dans leurs intervalles un repos trompeur. Le troisième fut long, pénible, diminua cependant, mais ne cessa plus. À l'arrivée du quatrième, la jeune fille mourut. C'était le 7 décembre, vers les 3 heures du matin. Quel changement! Avant ce jour, cette maison était si brillante, si rayonnante de gloire et d'avenir, si fertile en projets utiles ou séduisants, tout lui souriait dans ce monde, et maintenant elle est dans la stupeur. Le plus affreux, le plus morne silence y habite. La consolation, sous aucune forme, ne pénètre jusqu'aux malheureux parents, nous désoler avec eux, mais renfermant dans nous-mêmes nos pensées toutes amères. Nous attendons que le ciel et le temps aient émoussé un peu, les pointes, les plus aiguës de ces douleurs qui ne doivent plus cesser. Quoique plus tard nos relations soient devenues moins sombres, toutes nos actions, toutes nos pensées ont toujours sous-entendu cette perte, et le malheur qui n'était dans la bouche de personne se lisait dans les pensées de tous. Cette secousse fut trop forte pour mon corps et m'était affaibli, je dus reprendre pour plusieurs jours le lit que j'avais à peine quitté. Depuis ce funeste événement, le voyage n'a plus eu de charme. Si un vaisseau était venu nous prendre pour nous ramener de suite en France, j'aurais salué son arrivée avec plaisir. Qu'avais-je à faire encore à voyager? J'avais adoré Dieu dans sa crèche et son tombeau. J'avais vu cette terre où le Sauveur avait vécu avec les fils des hommes. Je pouvais dire avec Siméon le nain Dimitis, etc. Quel intérêt pouvions-nous prendre aux objets secondaires qui nous restaient à voir après une pareille catastrophe? Sans elle, nos entretiens sur celle de Judée que nous étions venus chercher de si loin, et où chaque coin de terre est empreint de souvenirs poétiques et divins, auraient réveillé à chaque instant l'intérêt palpitant de notre pèlerinage et ces communications de nos pensées les plus intimes, ce rappel de nos plus vives images aurait été comme un foyer inépuisable d'émotions de toute nature. Tout était fini. Nous vivions tristes et isolés, les marques d'intérêt sans cesse renouvelées qu'une foule nombreuse venait témoigner à ceux qui étaient au comble de l'affliction n'avaient pas le pouvoir de les distraire, et les rares paroles, étrangères au profond sujet de douleur proférées dans ces circonstances, paraissaient plutôt l'effet d'un mécanisme qu'on fait parler que l'expression d'une pensée sentie, tellement l'âme était occupée d'une seule chose. Quelques jours après cette mort déplorable, un nouveau spectacle devait réveiller de nouvelles douleurs. Le clergé du couvent des Capucins, qui est la paroisse de tous les Francs de Beyrouth, vint, au milieu de ses chants graves et solennels, chercher la dépouille mortelle de la jeune vierge. pour la porter à l'église et la déposer dans un caveau particulier jusqu'au jour de notre départ, car nous ne devions pas la laisser sur une terre étrangère. Tous les prêtres et évêques catholiques de la ville, les Grecs, les Syriaques, les Maronites et les Arméniens accompagnèrent, dans leurs costumes graves et pittoresques, les prêtres de l'église latine. Un grand nombre d'hommes recueillis suivaient en silence le convoi funèbre, où se trouvaient les consuls, les négociants, les principaux habitants chrétiens et la foule du peuple, de ce peuple qui a des larmes sincères pour l'infortune. Un douloureux rapprochement vint frapper mon esprit. Je pensais que peut-être un jour on aurait conduit cette jeune fille, parée et brillante, à l'autel de l'hymen, qu'alors aussi la foule l'aurait accompagnée de ses applaudissements et de ses cris d'allégresse, que le visage rayonnant des parents, ému jusqu'aux larmes, mais ému par la joie, se serait montré à cette foule. Tandis qu'aujourd'hui la parure de cette jeune fille est un linceul, un drap recouvre ses yeux éteints, et ses païens, renfermés dans l'endroit le plus retiré de leur maison, n'entendent que le bruit confus du lamentable chant des morts. La croix et les bannières, au milieu de nuages d'encens, précédaient le cortège, qui, resserré entre les figuiers d'Inde qui bordent le chemin, se prolongeait depuis notre habitation jusqu'au près des portes de la ville. Peu à peu le bruit des voix qui chantaient allait en s'affaiblissant, il ne restait bientôt plus que le bourdonnement confus de ces voix qui se perdaient dans l'éloignement et de la foule qui marchait. Après ce dernier retentissement, comme après le bruit qui survit quelque temps après le brisement des vagues, le silence le plus solennel s'établit autour de notre demeure. Silence qui annonçait que toutes les relations avec ce monde étaient finies, qui détruisait les dernières illusions, retombait sur l'âme et l'accablait comme un poids immense. Nous que la douleur ou la maladie empêchait de suivre cette pompe funèbre et de mêler nos voix à ces cantiques solennels, il ne nous restait pour consolation que nos pleurs et nos prières silencieuses. Plusieurs mois s'écoulèrent ainsi dans cette retraite. Réunis momentanément au déjeuner, nous nous séparions jusqu'au dîner, pour ne plus nous quitter que vers les 10 ou 11 heures du soir. Que ceux qui s'appuient sur les choses humaines, qui croient que la fortune, la gloire et le génie peuvent donner ce bonheur après lequel nous courons tous, auraient été vite désabusés, s'ils avaient vécu avec nous. Combien le sort du pauvre, à qui tout manque, qui n'a autour de lui qu'une jeune famille que ses bras nourrissent, qui n'a pour toute joie dans ce monde que les caresses de ses enfants, quand le soir il vient se reposer de son travail, était préférable à tout l'éclat, à tout le brillant qui environnait notre triste demeure. Jamais je n'ai vu d'une manière plus frappante le néant de la félicité humaine, et combien celui-là seul qui promet le bonheur pour l'éternité, peut l'assurer ici-bas. Markemdanarchive.org, d'après Gallica BNF, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.